بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى أما بعد فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله. Donc avant de procéder à la révision du cours, j'aimerais profiter de ce petit court instant afin de pouvoir répondre oralement à une question qui m'a été adressée par un mail. Donc à l'adresse du site, dans laquelle il a été dit pourquoi je dis Hadahullah lorsque je mentionne Salah al-Sheikh. Pourquoi je dis Hadahullah lorsque je mentionne Salah al-Sheikh dans mes articles. Salah al-Sheikh, Hadahullah, est une personne qui a besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide. C'est pour ça que lorsque je le mentionne dans mes articles, je dis Hadahullah. Cela afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant que ce soit une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse revenir vers la voie vers laquelle il appelait auparavant. Et afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui rajoute du raffermissement. Car il m'est parvenu que Cheikh Salah al-Sheikh, il prend de sa barbe. Kazalika, parmi les choses qui m'a été apportées, qu'il est mousbé, ça je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il a fait l'éloge d'une école égarée, qui est bien connue auprès de tous, qui est Al-Azhar. Et cela, Yannis, cet éloge qu'il a fait à cette école-là, Yannis, ça implique par la même occasion, de faire l'éloge des personnes qui se trouvent dans cette école, les garés. Et les ulama, enfin ceux qui se disent ulama dans cette école, ils sont très nombreux. Salah al-Sheikh, dans l'une de ses rencontres, qui remonte peut-être maintenant à peut-être un ou deux ans, il a vanté cette école, avec une éloge qui est même beaucoup démesurée. Il dit, Hadahullah, les savants de l'Arabie regardent l'école de Al-Azhar comme étant la forteresse imminente de l'islam. Al-Qal'a al-Shamikhatu lil-Islam. Le repère des gens de la Sunna wal-Jama'a. Al-Marji'iyya, la référence. Et le plus dramatique dans cela, c'est que cet éloge, qui est complètement fausse et complètement absurde, qui est complètement démesurée, il a adressé à ce Dajjal, il est venu faire la rencontre lorsqu'il est parti à Misr, et il a dit cet éloge-là sur l'Azhar devant une personne qui est vraiment un Dajjal, comme on va voir, Inch'Allah, qui s'appelle Ahmed Tayyib, alladhi wa fil haqiqa Ahmed al-Khabith. Cette personne qui est le soi-disant shir de la forteresse imminente des égarés, de la Sunna, comme l'a évoqué Shir Salah al-Sheikh, c'est le directeur de l'Azhar, yani al-Sharif al-Sabiqan, amal-an al-Azhar mukhawash. A savoir que la personne en question, qui est Ahmed al-Tayyib al-Adhi al-Khabith, la personne à qui Salah al-Sheikh a adressé cet éloge qui est complètement démesuré, parmi les propos qu'il dit, had al-Khabith, alayhi min Allah ma yastahiq, il dit que le Coran n'est pas la parole d'Allah azawajal. Le Coran, il dit que c'est un kalam nafsani. Et ce Dajjal, ce charlatan, il nous dit que le Coran, c'est pas kalamullah azawajal. Ahmed Tayyib, celui qui est le directeur de l'école d'Azhar, il dit le Coran, à qui Sheikh Salah al-Sheikh, il a fait l'éloge devant lui, que l'école dont il est directeur, c'est la forteresse imminente de la sunna de cette personne-là, à qui il a fait l'éloge de cette école-là, c'est un Dajjal. Il dit le Coran, laisse kalamullah. Le Coran, c'est pas la parole d'Allah Azzawajal. Quel est le jugement de ceux qui profèrent de telles paroles en disant, la parole d'Allah, c'est nafsani, c'est un kalam nafsani, c'est des ma'ani, c'est pas ni aswat ni ahruf. C'est quoi le jugement des personnes qui disent ce truc-là? Asha'ira. Les gens de la bid'a, yani ma'ruf, fi kitab al-aqida, les gens qui prononcent de telles choses et qui profèrent une telle aqida auprès des gens de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, ce sont des mubtadi'. Après cela, comment on peut prétendre que cette personne, ce soi-disant shir de l'Azhar, yani soit le shir de la forteresse, yani dont Salah al-Sheikh, il a fait l'éloge? De quel islam il est en train de parler? Comment Salah al-Sheikh, après avoir de nombreux ouvrages, de nombreuses explications, des livres de la croyance, l'aqida, des gens de la sunna wal-jama'a, il peut se permettre de faire l'éloge de cette école à cette personne qui ouvertement Naam dit que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Doctrine qui s'est évertuée au Cheikh Salah al-Cheikh à combattre. Il y a dans les livres qui sont bien connus comme Al-Wasitiyah, le Ma'at al-Ahtiqad, Al-Tahawiyah, wa kathir, min al-Liqa'at wa al-Muhadarat. C'était une personne qui s'évertue à combattre la doctrine de ceux qui disent que le Coran, le Coran, laisse kalamullah. Donc comment après cela est possible de concevoir que Salah al-Cheikh vient devant cette personne-là qui vient avec une croyance qui contredit totalement celle d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a et lui fait l'éloge du siècle. Al-Azhar, la forteresse éminente de l'islam. Al-Marja'i, la référence de l'islam. Ça, c'est vraiment une chose qui est très décevante de sa part. Voilà pourquoi, lorsque je l'ai évoqué, je l'ai évoqué par rapport à moi à sa barbe. Lorsque je disais Hadahullah, c'était par rapport au fait qu'il prenne de la barbe, qui est une chose qui est ma'ruf, qui est contraire à la religion. Mais lorsque le frère Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki, Hafidahullah, il m'a fait part qu'il y a une question qui m'a été adressée. Je me suis penché un peu plus sur le sujet de Salah al-Cheikh et voilà que je trouve des choses qui sont encore beaucoup plus absurdes. La personne vient, a fait l'éloge des gens qui ont une croyance qui contredit celle de Ahl al-Sunnati wal Jama'ah. Ahmed Tayyib, celui dont Salah al-Cheikh il a rencontré, il dit Ahl al-Sunnati wal Jama'ah, lui il prétend être parmi Ahl al-Sunnati wal Jama'ah. Ahmed Tayyib, le directeur de Al-Azhar, celui que Salah al-Cheikh il a rencontré. Il prétend qu'il est barakallahu fikum, il prétend qu'il veut partir d'Ahl al-Sunnati wal Jama'ah. Pour lui, c'est qui Ahl al-Sunnati wal Jama'ah? Lorsqu'il dit Ahl al-Sunnati wal Jama'ah, te trompe pas. Pour lui, c'est Al-Asha'ira wal Maturidiyya. Amma nahnu Ahl al-Bid'ati wal Furqa. Il voit que nous, on n'est pas les gens de la Sunnah. Il y en a ceux qui s'accrochent à la croyance qui est évoquée dans les livres tels que Al-Aqid al-Tahawiyya wal-Wasitiyya al-Akhirihi. Pour cette personne-là qui est le directeur de l'Azhar, celui que Cheikh Salah al-Cheikh l'a rencontré, pour lui, nous sommes les gens de la Bid'a. Et c'est lui qui est Ahl al-Sunnati wal Jama'ah. Hadha al-Khabith. Il a comme fatwa, il dit qu'il est possible aux musulmans de vendre de l'alcool aux kuffars dans les pays qui ne sont pas musulmans. Le degré de cette personne-là. Et il dit qu'Adal et Kach Ashrabiyyah, qu'il incombe aux femmes qui étudient dans l'Azhar qu'elles enlèvent le voile qui couvre leur visage. C'est wajib alayhim, c'est impératif qu'elles enlèvent le voile et elles ne se présentent pas à l'Azhar. Dans la forteresse de l'islam selon Al-Cheikh, c'est impossible que ces femmes-là se présentent avec leur voile. Donc voilà pourquoi cette personne-là, lorsque je l'évoque, mais Inch'Allah, je ne vais plus l'évoquer par rapport à ce que j'ai pu voir maintenant. Inch'Allah, je vais m'abstenir d'évoquer cette personne-là. Et le pire, c'est que ce qui est navrant dans tout ça, c'est lorsque tu vas lire dans certains ouvrages que Salih Al-Cheikh a pris soin d'expliquer avant, tu t'attardes déjà bien comme s'il y avait maintenant deux personnes. Comme s'il y avait deux personnes, un ancien Salih al-Cheikh et le nouveau Salih al-Cheikh. L'ancien Salih al-Cheikh, Hafidahullah, alladhi kan min qabl, il disait auparavant, comme dans Sharh Lum'at al-Ahtiqad, il dit il fait partie de la sunnah de s'écarter des gens de la bid'a. Telle est la chose dont nos imams nous ont recommandé. Ils nous ont recommandé de ne pas se mélanger avec les gens de la bid'a et de ne pas s'asseoir avec eux, et ni kadalika de leur adresser leurs paroles, jusqu'à ce que leur bid'a à disparaître. Il dit le fait de délaisser cette conduite, Salih al-Cheikh, qui est de ne pas leur passer salam, de s'asseoir avec eux et tout ça, il dit le fait de délaisser cette conduite est une conduite connue des personnes égarées. Donc là, c'est un jugement de l'ancien Salih al-Cheikh sur le nouveau Salih al-Cheikh. Celui qui est en train de nous dire que celui qui rencontre ou celui qui adresse la parole aux gens de la bid'a qui s'assoit avec eux, il dit ça, c'est la conduite des gens égarés. Ça, c'est une réfutation de Salih al-Cheikh sur le nouveau Salih al-Cheikh, malheureusement. Et il dit Kadalika hadahullah, celui qui vante un mubtadi' a certes participé à l'anéantissement de l'islam. Et il dit à ce jour, peu applique cette conduite qui est de délaisser les gens de la bid'a par prétexte qu'il y a des intérêts mondains ou religieux, etc. Il dit cela n'a pas lieu d'être, s'écarter d'eux et mettre en garde contre eux, c'est impératif. Il dit qu'il y a d'autres choses, il y a ceux qui veulent s'étaler sur le sujet, il revient sur le Ma'at al-Ahtiqad, dans lequel il y a une réfutation de l'ancien Salih al-Cheikh sur le nouveau Salih al-Cheikh. On ne va pas s'étaler à son sujet. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui le guide. Et on va se suffire de cette réfutation que Salih al-Cheikh a fait lui-même sur lui. Wa qala Hudhayfa ibn Yaman, radiyallahu ta'ala anhu, inna al-dalala, kulla al-dalal, أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. Il dit, Hudhayfa ibn Yaman, رضي الله تعالى عنه, certes l'égarement, le véritable égarement, c'est que tu agrées ce que tu réprimandais ou que tu réprimandes ce que tu agrées. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن لا ينحرفنا عن المنهج السلف ترفع عين. نسأل الله العافية. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. Mais Inch'Allah, à partir de ce jour-là, il y a la personne qui m'a posé la question. Inch'Allah, ça a l'alhalichir, je ne l'évoquerai plus. Il ne mérite pas. Hein. C'est quelqu'un qui a une conduite qui est vraiment décevante et une position qui est très lourde à accepter. À la kulli hal, par rapport, dans le dernier cours, Kadalika, il y a une question qui m'a été posée. Donc c'était, est-ce que le délaissement de la prière, ça retire la tutelle? Il y a une des sœurs, je crois, qui avait posé cette question-là. Donc c'est, la réponse est telle qu'on avait dit, dans le cours qu'on avait évoqué, que celui qui est musulman, celui qui délaisse la prière selon notre parole, c'est-à-dire que s'il la délaisse par paresse et par négligence, ce n'est pas un kafir. Donc le fait qu'il la délaisse, il ne s'enlève pas de lui la tutelle parce que c'est toujours un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa la yaj'al Allahu lil kafirin 'ala al mu'minina sabila. Dans cette ayah-là, il nous montre Allah subhanahu wa ta'ala que la tutelle, elle est retirée aux personnes qui sont des kuffars. Donc tant que la personne, c'est un mu'min, même si jamais il délaisse la prière, qu'il a délaissé un grand de la prière, ça reste toujours un musulman. Donc ça, c'est-à-dire que la tutelle reste telle. Ça ne lui enlève pas la tutelle. Donc à lui de marier et de se charger de marier sa fille. C'est lui le wali, le tuteur. Mais reste à savoir que Cheikhuna Mohammed bin Hazam, hafidhahullah ta'ala wa kadalika Cheikh al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il nous dit qu'à partir du moment où la perversité, yani le fisc de cette personne, yani elle le pousse à ne pas se dégager ou se décharger de la tutelle comme il se doit, il dit à partir de ce moment-là, même si jamais c'est un musulman, la tutelle, elle lui est quoi ? Retirée. Parce que le fait d'être tuteur, c'est le fait de choisir pour sa fille ou bien la personne qui veut marier, elle a les bonnes choses. Donc à partir du moment où cette personne-là, elle a de mauvais choix, de mauvaises orientations pour sa fille, il dit ça, Cheikh al-Uthaymeen wa kadalika Cheikh Naham ibn Hizam, hafidhahullah ta'ala, que yani, la tutelle, elle se doit d'être retirée. La tutelle, elle se doit d'être retirée. Tamam. Donc, dans deux cas, la tutelle elle peut être retirée. Le premier cas, c'est si jamais la personne devient apostat. Yani, kafara ba'da al-islam. Ou bien, elle est toujours musulmane, lakin tatasarraf fi al-wilaya tasarrufan, yani yajib minhu an yuslab minhu ash al-wilaya. Yani, le deuxième cas, c'est si jamais il est musulmane, mais il est pervers. Yani, sa perversité, elle le pousse à ne pas choisir pour sa fille ou la personne qui veut marier, il y en a les bons choix pour elle. Il y en a comme le fait de Mathalan qui marie sa fille avec des personnes qui délaissent la prière ou avec des personnes qui boivent du vin et des personnes qui ne sont pas. Donc dans ce cas-là, la tutelle se doit d'être retirée, même si jamais c'est un musulman. Pour plus de détails, revenir à Fath al-Allam, le volume 4, page 330 jusqu'à 331. Donc, Inch'Allah, on va procéder, comme notre habitude, Inch'Allah, à une petite révision. Donc, on a pu voir dans le cours précédent que Cheikh Al-Albani, rahimahullah wa ta'ala, il a démarqué son résumé aux autres ouvrages qu'il a rédigés dans le thème de la description de la prière. Il l'a démarqué par des, ce résumé par des jugements qu'il a émis à certains messaïl, dans lesquels il les a qualifiés comme piliers, comme conditions, comme obligations, etc. Chose qu'il n'avait pas fait auparavant dans les deux ouvrages précédents. Donc, la première question, c'est quoi un pilier dans la jurisprudence? Celui qui a une réponse, il se permet de pouvoir l'écrire sur le salon. La chose qui fait partie de la prière et qui l'invalide si elle n'est pas accomplie. Ahsan Taya Abdurrahman. On avait dit, le pilier, c'est le truc, c'est la chose qui fait partie intégrante de la prière ou bien de l'adoration et qui l'invalide si elle n'est pas accomplie. Qui l'invalide si elle n'est pas accomplie. Il avait donné l'exemple, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, pour cela, al-ruku'. Al-ruku', c'est une chose qui fait partie intégrante de la prière. Si tu la délaisses, ta prière, elle n'est pas acceptée, parce que le prophète nous l'a montré comme dans le hadith, Moussi al-Salah, celui qui ne savait pas bien prier, il lui a dit dans les choses qu'il fallait qu'il accomplisse, qu'il fasse le ruku'. Et bilijmer, toutes les choses qui ont été évoquées dans ce hadith, ça fait partie des al-ruku'. Ahsan Taya Abdurrahman. Quelle est la condition? Ash-shart, c'est quoi la condition? Même chose, sauf qu'elle ne fait pas partie de la prière ou bien de l'acte d'adoration. Ahsanta. C'est la même chose que le pilier, sauf que, à la différence du pilier, la condition ne fait pas partie de intégrante de l'acte de l'adoration. Et il a pris comme cas, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, al-wudu. Al-wudu, c'est une chose qui ne fait pas partie de la prière, ça. Mais malgré cela, le fait que tu délaisses l'wudu, yani, ça invalide ta prière, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yaqbalullah, salat al-hadikum, idha ahdatha hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions après les avoir perdues. Naham, parmi les choses, kadhalika al-wajib. Qu'est-ce que al-wajib? Quelle est sa définition? Ou comment peut-on reconnaître al-wajib? Voilà, tamam, ala huwa. Yani al-wajib, c'est la chose qui fait partie intégrante, comme le pilier de l'adoration, mais son délaissement n'incombe pas forcément. Yani comme l'a dit le frère Osama, jazakallahu khair, yani, comme kadhalika, la définition de l'obligation avant son jugement, en fait c'est moi qui me suis mal exprimé dans ma question. Al-wajib, c'est la chose qui est imposée dans la religion. C'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'ont imposée. À partir du moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il impose une chose, ça devient, on appelle ça une obligation. Et son, yani, comment on fait pour la reconnaître? C'est une chose qui fait partie de l'adoration, mais qui n'invalide pas forcément le fait que tu le délaisses. Comme on avait pris le cas avec takbir. Yani, le fait que tu dises Allahu Akbar lorsque tu te déplaces d'une position à une autre dans la salat, t'as ça, c'est wajib. Mais le fait que tu le délaisses, ça n'incombe pas forcément que la prière soit invalide. C'est quoi la définition de la sunnah? Ma huwa ta'rif as-sunnah? Action recommandation. Comment tu en la différencies de l'obligation? Nous on a dit l'obligation, comme l'a évoqué le frère Osama, hafidhahullah, c'est une chose qui est imposée par la religion. Ça vient de même pour la sunnah. Pas châtier si pas appliqué. Naam. Comme l'a dit le frère Osama, le fait que tu as sunnah, c'est une chose qui est recommandée. Si jamais tu le fais, tu es récompensé. Si jamais tu le fais pas, tu ne seras pas ni châtié ni réprimandé. Mais comme on a dit, cela, c'est pas pour autant qu'il faut délaisser la sunnah, parce que la sunnah, c'est une chose qui préserve al-wajibat, comme on avait pris l'exemple la semaine dernière pour les pêcheurs de l'orange. Ils ont dit, les ulama, la sunnah, elle est telle que les pêcheurs de l'orange qui préservent l'orange. À partir du moment où les pêcheurs allaient puer sur l'orange, ça va altérer, c'est une chose qui va altérer tes obligations. Donc il n'y en a pas pour autant qu'il faut les délaisser. Les gens de la sunna wal jama'a. Donc il nous incombe de ne pas délaisser ces grands préceptes qui sont à sunan. Al-wajib, le jugement, ils ont dit, au Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a dit, c'est la chose que si jamais tu l'appliques, tu es récompensé, mais si jamais tu la délaisses, tu seras châtié. Est-ce que ce jugement-là est juste? Non, pas tout à fait. Par rapport à quoi? Sera exposé, exactement. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc toutes les choses qui sont en dehors du shirk et toutes les choses qui annulent l'islam, c'est des choses qui sont sous la volonté d'Allah azza wa jalla. S'il veut, il châtie cette personne-là, ou s'il veut, il lui fait grâce, il le pardonne. Donc le fait de délaisser une obligation qui ne fait pas partie du shirk et ni des choses qui annulent l'islam, ça rentre sous la volonté d'Allah azza wa jalla. Donc il incombe de dire dans le jugement de l'obligation que c'est une chose, si jamais tu l'as fait, tu seras récompensé, et si jamais tu la délaisses, tu seras exposé à le châtiment d'Allah azza wa jalla. S'il veut te pardonne ou s'il veut, il te châtie pour être en conformité totale avec l'ayah. Mashallah, ahsantum, jayid. Kadhalika, parmi les choses, inshallah, on sait, même si ça prend du temps, la muraja'a, c'est muhim. C'est muhim jiddan. Quel est le sens, on a pris aussi le basmala. C'est quoi le sens de la basmala? Yani, lorsqu'il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, yani, qu'est-ce qui est entendu dans ce sens-là, là? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Eh ouais, naham al-Istihana, Ahsanta Ibrahim, la demande d'aide, Ahsanta Abdurrahman, Ahsantum barakallahu fikum. C'est que tu demandes l'aide à Allah Azza wa Jal. Tu demandes l'aide à Allah Azza wa Jal et la bénédiction, kadhalika, l'aide et la bénédiction. Par le nom le plus grand qui est celui d'Allah Azza wa Jal, l'œuvre de Jalala, pour pouvoir parachever l'œuvre sur laquelle tu es, afin qu'Allah l'agrée. Donc c'est une chose qui est importante, parce que comme on a dit, personne n'a la capacité sauf si Allah lui donne la capacité. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Donc on disait que c'est d'où est venue cette formation qui est devenue une coutume chez les savants, a-t-elle été tirée? D'où a-t-elle été tirée cette formulation? Du Coran. وَكَذَلِكَ. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Le Coran, parce que le kitab d'Allah azza wa jalla, il débute Arsantum. Il débute par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et Naham, le prophète Sulayman, alayhi salam, Naham, إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Et كذلك النبي صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a envoyé une lettre à Adim Hirak, il a fait le prologue de cette lettre en disant بسم الله الرحمن الرحيم. Donc c'est venu du kitab de la sunnah. Ce jugement c'est que c'est mustahab. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez là dans le prophète sallam, dans ses actes et ses paroles, un bon exemple à suivre. Donc il y a un bon exemple à suivre dans le fait de faire débuter nos choses par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وكذلك on a pu voir Alhamdallah. Alhamdallah c'est le fait de dire Alhamdulillah. Quelle est la définition d'Alhamdallah? Le fait de dire beaucoup Alhamdulillah. Là, mais il manque une chose qui est très importante. On avait donné une définition si vous vous rappelez. Ahsanta. C'est le fait, comme nous l'a évoqué le Akh Abu Ali, c'est le fait d'exalter Allah Azawajal, de le louer par ses noms et ses attributs, parfait, kadalika par ses bienfaits, kadalika par son culte exclusif, yani uluhiyya, wa kulla la shaladi hamida nafsahu, yani par exaltation et par vénération. Quelle est la différence entre le compliment et la louange? Al-madh wa al-hamd. Mal farq baynahuma? Naam, ahsanta. Le compliment, comme ils ont dit, les ulama, ça n'implique pas que tu l'amour et que tu le fasses par vénération et par amour. Mais la louange, c'est obligé. Contrairement à la louange. La louange, c'est obligé. Celui qui loue une personne, il la loue par exaltation, par vénération et par amour. Mais le compliment, non, ça n'implique pas cela. La personne, comme dit Shir al-Uthaym, il peut faire l'apologie d'une autre, mais pour s'octroyer un bien. Parmi les biens de ce bas monde, tu le vois, il le déteste, mais il fait l'éloge afin qu'il puisse lui donner de l'argent, tu vois. Il ne le fait pas par amour et ni vénération. Ça s'appelle comment? Un compliment et non une louange. Est-il permis de dire Alhamdulaka ya Fulan ou Alhamduli Muhammad? Il y a juste ça. C'est possible de dire ça? Là. Non. Limaza. Pourquoi? Ahsantum kullukum ajma'in. Non. On dit Alhamdulillah. Mais pourquoi on ne peut pas dire Alhamduli Fulan? Alladhi yajib an su'al ma'am. Ahsanti. Car c'est exclusif à Allah Azzawajal. Parce que l'âme huna, Alhamdulillah, l'istihqaq. Yani ça revient de plein mérite à Allah Azzawajal. Comme on avait dit, ce qui revient à Allah Azzawajal uniquement. Comme on avait dit, le fait que tu dis Alhamdulillah, c'est que tu attribues toutes les louanges à Allah Azzawajal. Parce que Allah Azzawajal, c'est lui la source de tous les bienfaits. Même si une personne te rend un service ou te donne un bien, ce bien-là, il te l'a donné que par la grâce d'Allah Azzawajal. Donc, la louange en vérité, tu remercies cette personne-là parce que ça fait partie de l'islam, mais tu remercies Allah Azzawajal parce que c'est lui qui a la source de ce bienfait-là. Donc, c'est-à-dire que toute chose revient à Allah Azzawajal. Donc, le fait que tu dises à une personne Alhamdulillah, c'est comme si tu lui disais que toutes les louanges ou que cette personne-là, elle est la source de toutes les louanges. Et ça, c'est faux parce que c'est une chose qui est propre à Allah. Vous rappelez-vous du savant qui a émis cette fatwa-là, qui a dit que ce n'est pas possible de dire ça? Rahimahullah ta'ala, Cheikh Bakr Bouzaïd, dans Al-Mana al-Dhiyah. Il dit c'est interdit de dire ça. Il dit ça ne fait pas partie de la coutume des salafs. Cheikh Al-Albani, kadhalika, parmi les choses, donc il a évoqué dans sa préface, qui est minutieux, qu'il fallait tirer l'attention sur ça, c'est que au début il dit Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu, thumma à la fin il dit wa ashhadu. Pourquoi il n'a pas dit wa nashhadu? Pourquoi il n'a pas dit wa nashhadu? Pourquoi il n'a pas dit nous attestons? Il a dit j'atteste. Après qu'il a dit nous louons, nous demandant le soutien, etc. Pourquoi il n'a pas dit « wa nashhadu » ? Naam, ahsant. On ne peut pas attester yani, ce qu'il y a dans les poitrines des autres. Parce que le fait que tu attestes la divinité d'Allah Azzawajal et de la prophétie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, naam, car seul Allah connaît les cœurs comme « qala fil haya »« kulla ya'lam man fi samawati ard »« al ghaiba illa Allah » yani, nul dans les cieux et la terre ne connaît l'invisible en dehors d'Allah Azzawajal. Donc le fait d'attester ce qu'il y a dans la poitrine de ton frère, c'est d'attester qu'il y en a une chose qui est invisible, et ça, c'est propre à Allah Azzawajal. Le dernier point, Inch'Allah, avant de commencer le dars, c'est la différence entre le prophète et le messager. Quelle est la différence entre le prophète et le messager? Le messager apporte une nouvelle révélation. Laissa bilazim. Le messager est un prophète envoyé à un peuple qui contredit l'ordre d'Allah. Ahsanta. Ahsanta. Les deux derniers ont. C'est ça la réponse. En fait, le messager, c'est quelqu'un qui est envoyé à un peuple qui contredit le peuple ou les ordres d'Allah Azzawajal. Tandis que le messager, c'est quelqu'un qui a reçu une prophétie, qui l'ordonne et qui interdit les choses qui incombent d'être interdites, mais qui n'est pas envoyé à un peuple qui est hostile ou un peuple qui contredit l'ordre d'Allah Azzawajal. Barakallahu fikum, ahsanallahu alaykum, wa zadakumullahu hirsan ala al-ajwiba. Allah yahfadakum. Ça fait plaisir de voir des personnes qui répondent aux questions. Jazakumullah khairan. Donc, quant au thème du cours, de ce soir, il va traiter des conditions de la prière. Des conditions de la prière et de certaines des annulations. Car le but recherché à travers l'étude de Sifat Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, l'étude de la description de la prière, est de s'identifier à la manière qu'a emprunté le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'acquitter de ce grand pilier de l'islam, le pilier du din qui est As-Salah. Donc il est bon de faire précéder à l'étude de la description, les conditions, car elles sont, tout comme la description de la salat, très importante. Et à quoi bon une personne à ses vertus, à prier comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ramener le sunnah, à faire tous les wajibat, à faire tous les rukou, excuse-moi, arkan, et il ignore les conditions qui sont en dehors de la prière, qui sont tout aussi importantes, qui annulent la prière. Donc il est important, avant de se présenter devant la Qibla et de lever la main pour faire le takbir, de connaître les choses auparavant, au préalable, qui annulent, ou les conditions qui valident la prière, ou les choses qui annulent la prière. Donc la première condition de la prière et de toute autre adoration, c'est l'islam. Se soumettre à Allah Azzawajal, en lui vouant le culte exclusif, en pleine obéissance, et par le désavouement du shirk et des mushrikin, et du kufr, ou le kafirin. Istislam lillah, du tawhid, ou l'inqiyad lahu bittara, ou al-bara'a, min al-shirk wa ahlihi, ou al-kufr wa ahlihi, billah al-arabiyya. Quant à la preuve qui nous prouve que l'islam est une condition requise à toute adoration, c'est la parole d'Allah Azzawajal dans laquelle il dit: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie pour la réduire en poussière éparpillée. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit au sujet de ce verset précédemment cité, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset que les œuvres des kuffars qu'ils ont présentées, les œuvres auxquelles ils avaient une dure conviction ou la dure conviction qu'elles seront un secours pour eux, yawm al-qiyamah, elles ne seront d'aucune rétribution, elles seront d'aucun rétribut, yawm al-qiyamah. Car la condition requise pour cela, qui est l'ikhlas, comme on dit l'islam, n'a pas été observée. Et il dit l'islam est une condition à chaque adoration, et cela par l'unanimité des savants, bilijma', que l'islam c'est une condition qui est requise pour que la prière soit acceptée. Donc le kafir, il peut pleurer, il peut avoir la khashia, il peut faire des raka'at, il peut se prosterner nuit et jour. S'il est toujours en situation de kufr, il ne verra jamais le fruit de ses efforts. Et s'il meurt, il est dans cet état, dans l'état de la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala an yasimana min dhalika. La deuxième condition, c'est al-aql, le fait d'avoir la raison ou de raisonner. La preuve en est par la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبُ عَنْهُ النَّوْمُ. Si l'un d'entre vous s'endort dans la prière, qu'il aille se reposer. وقال فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيصب نفسه. Il dit, car il se peut que lorsque l'un d'entre vous prie, alors qu'il est un peu endormi, il insulte sa propre personne, alors que lui, en vérité, il ne cherchait qu'à demander le pardon auprès d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce que le fait qu'il soit endormi, na'am, c'est une cause qui fait qu'il ne raisonne pas. Il ne sait pas trop ce qu'il fait dans la salat. C'est pour ça qu'il peut même être amené à insulter sa propre personne. Parce qu'il ne sait plus ce qu'il fait, il n'a plus trop la raison. Il n'a plus trop la raison. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفيع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يعقل. Ce hadith-là, il a été rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala wa ghayruhu, et authentifié par Cheikhuna Muhammad ibn Hizam, hafidhahullah ta'ala. Donc dans ce hadith, rufi' al-qalam 'an al-thalath wa minhum al-majnun hatta ya'qil, il dit les obligations ne sont pas prescrites à trois sortes de catégories, et parmi eux le possédé jusqu'à ce qu'il le majnun jusqu'à ce qu'il raisonne. Et ceci n'englobe pas que le majnun, il englobe toute personne ne raisonnant pas, qu'il soit un possédé, qu'il soit possédé ou évanoui, ou naham, quelqu'un qui a attardé mentaux, et toutes les personnes qui rentrent dans cette illa, dans ce justificatif qui est de perdre la raison ou de ne pas avoir la raison, c'est une condition qu'ils ont perdue, qui font que leur salat est annulée et n'est pas considérée. Et cela par l'unanimité des savants. Bil ijma', an al-aql, C'est une condition parmi les conditions de l'adoration. Pas forcément pas que de la prière, mais de toute adoration. Toute personne qui adore Allah Azzawajal doit raisonner et savoir ce qu'il dit. La troisième condition qui est At-Tamyiz, le fait de pouvoir différencier entre les choses. La prière des enfants, les jeunes, les petits-enfants, qui souhaitent vouloir prier, ne peut pas être acceptée qu'après qu'ils aient conscience de ce qu'ils disent. Et ça rentre dedans toute personne qui n'a pas conscience ou ne différencie pas les choses auxquelles il prononce. La preuve en est par la parole d'Allah Azzawajal où il dit « Ya yuhallazina amanu la taqarabu salat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun » Ô vous qui avez cru, n'approchez pas la prière en état d'ivresse jusqu'à ce que vous avez la connaissance de ce que vous dites. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit: cette condition englobe toute personne n'ayant pas connaissance de ce qu'il dit, yani le fait de savoir ce que tu dis, que tu aies la pleine connaissance, pleine possession de ton esprit. Ceci est une condition qui est impartie dans toutes les adorations et dans la salah. Et tout comme les conditions qui sont précédées, c'est une condition qui est unanime auprès des savants de l'islam. Il n'y a pas de différence sur cela. Que l'islam ou l'aql ou l'tamyiz, ces trois choses-là sont des conditions qui englobent toutes les adorations de l'islam. La buddha minha. La quatrième condition qui est dhul al-waqt. Dhul al-waqt. Que le moment assigné pour la prière, il soit venu. Bien entendu, cela englobe les prières qui ont des horaires, comme les cinq prières obligatoires. Et la preuve en est par la parole d'Allah, que le dukhul al-waqt, le fait de rentrer dans l'heure de prière, elle est une condition, la preuve en est par la parole d'Allah Azza wa Jalla, où il dit « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » La prière a été prescrite aux musulmans, aux mu'mines, aux croyants, à des horaires qui sont bien précises. Et cela est par unanimité des savants bil-ijma'. Celui qui fait précéder l'une des cinq prières de son temps, ou la fait sortir de son temps, sa prière sera annulée car le fait d'observer le créneau ou bien les horaires des salats, c'est une condition qui est impartie à la salat. Celui qui la délaisse, sa prière sera annulée. Et cela, il n'y a pas de divergence entre les ulama. La cinquième condition, at-tahara. At-tahara. La purification, c'est-à-dire les ablutions mineures et majeures. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la preuve qui nous prouve cela, qu'aluhu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yaqbalu Allah salat ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Muttafaqun alayhi. La prière de l'un d'entre vous ne sera acceptée que s'il a fait les ablutions après les avoir perdues. Et cette condition-là, kadhalika, c'est une unanimité auprès des savants de l'islam. Anima fi khilaf baynahum. La sixième condition, sitr al-awra, le fait de dissimuler ses parties intimes. Premièrement, il faut savoir que les savants sont tous unanimes que la prière de celui qui aura prié sans habit, tout nu, sans raison valable, ne sera pas invalidée. Et ça, il n'y a pas de divergence entre eux. Celui qui prie nu, sans habit, de haut en bas, sa prière, elle est nulle. Ça, il n'y a pas de divergence entre les savants de l'islam. Et peut-être même que la personne qui fait cela sans excuse valable, peut-être que même ce n'est pas que sa salat qui est annulée, mais peut-être son islam. Car on peut, le fait de se présenter nu face à Allah Azzawajal, Rabbul Alamin, chose qui n'est pas fait à certains personnes de ce bas monde, et qui est beaucoup plus grand auprès d'Allah Azzawajal, on peut pressentir à travers cet acte-là qu'il y a une sorte de moquerie. Une moquerie envers Allah Azza wa Jal, envers la prière. Et ça, c'est ma'rouf, l'istihza, ou l'istighfaf, bishay min ad-din, le fait de se moquer d'une chose de la religion, bilijmer, c'est un kufr. Bilijmer, c'est un kufr. Donc, celui qui prie nu, sans raison valable, sa prière allait annuler sans divergence. Sans divergence auprès des ulama de l'islam. Les savants, ils ont divergé sur la validité de la prière de celui à qui une partie de ses parties intimes s'est découvert. Ils ont divergé sur ce point-là. Le point qui sont tout nus, que la personne a pris tout nu, ça, ils n'ont pas divergé. Mais si jamais une partie de ses parties intimes venait à se découvrir au cours de la salat, sur ce point-là, ils ont divergé. Et la majorité des savants, ils ont pris. Ils disent que cela, ça annule la prière. Le fait qu'une petite partie de tes parties intimes soit dévoilée, cela annule la prière. Ils ont pris pour avis, pour cela, Naham, barakallahu fikoum, qawlu subhanahu wa ta'ala, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ils ont pris pour preuve, appuyant l'argument que celui qui découvre une partie de ses parties intimes au cours de la prière, sa prière est invalide. La parole d'Allah Azza wa Jalla dans laquelle il dit Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ô bani Adam, prenez dans chaque lieu de salat votre parure. Faqala al-ulama, il a été demandé dans ce verset de porter la parure. Khudhu zinatakum, qui est un habit en plus de la dissimulation des parties intimes. Et le fait que tu prennes tes parures, les beaux habits pour la prière, ça incombe avant cela que tu aies dissimulé, il y en a tes parties intimes. Donc il dit l'ordre, les savants disent l'ordre dans ce verset englobe en premier lieu le fait de dissimuler les parties intimes. Même si la personne peut nous dire d'où vous avez pris dans ce hadith ou dans cette ayah qu'il est obligé de couvrir ses parties intimes. On dit yani min tariq al-awla. Si jamais Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de prendre dans les lieux de prière les beaux habits, les belles parures, c'est qu'il nous incombe au préalable d'avoir pris et dissimulé les parties intimes. Et quant au fait, comment ils ont pu déduire de cette chose-là, que c'est une condition, parce qu'on a dit la condition c'est quoi? C'est une chose qui ne fait pas partie de l'acte d'adoration et qui annule, si jamais tu délaisses, l'acte d'adoration. Dans ce verset-là, la personne peut dire Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Prenez votre parure. Prenez votre ou dissimulez vos parties intimes dans la prière. Est-ce que dans ce verset-là, il est clairement évoqué que si jamais on délaisse la parure ou si on délaisse le fait ou qu'on dévoile nos parties intimes, ça annule la prière? C'est pas clairement évoqué. Lakin, ulama al-usul, ils nous ont évoqué par rapport à une règle qui est bien connue auprès d'eux, qui est une règle, yani muttafiqin alayhi indahum, qui est une unanimité auprès d'eux, qui est ma yatim al wajib illa bihi fa huwa wajib. La chose par laquelle s'accomplit l'obligation était aussi obligatoire. Et le fait de prendre une parure, c'est obligatoire, comme l'a évoqué le verset. Donc le fait de prendre la chose par laquelle s'accomplit cette obligation, qui est de dissimuler auparavant, au préalable, ses parties intimes, ça fait aussi de cet acte-là qu'il est obligatoire, parce que tu ne peux pas te confirmer à l'obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est de prendre une parure sans avoir au préalable barakallahu fikum dissimulé tes parties intimes. Quant à l'argument par lequel on déduit qu'il est une condition, kadalika, ça a été déduit d'une autre règle de jurisprudence min usul fiqh, qui est al-amru bi shay yastalzim an-nahy 'an diddi. Al-amru bi shay'in yastalzim an-nahy 'an diddi. Ordonner une chose implique d'interdire son opposé. Si je te dis lève-toi, c'est-à-dire ne t'assieds pas, ça, c'est ça qu'il veut dire par là. Lorsque tu ordonnes une chose, ça implique d'interdire son opposé. Lève-toi, c'est-à-dire ne t'assieds pas. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit khudhu zinatakum, prenez votre parure, yani dissimulez kadalika vos parties intimes, comme on a pu le voir avant, avec la règle précédente, ça implique yani qu'on ne dévoile pas les parties intimes. Car si jamais, dans ce verset-là, dans lequel on a déduit que dissimuler les parties intimes, c'est une obligation. Cette obligation, elle implique l'interdiction de son opposé, qui est quoi? De dévoiler les parties intimes. Dissimuler vos parties intimes, et ça veut dire quoi? C'est-à-dire ne pas les dévoiler. Et ils prennent d'une autre règle, c'est que l'interdiction, yaqtadil fasad, l'interdiction implique l'annulation. Donc celui qui dévoile une partie intime de son corps verra sa prière annulée, car elle a commis une interdiction qui, par elle, même Naham, elle annule l'adoration. Elle annule l'adoration. Donc c'est par ces règles-là qu'ils en ont déduit que yani sitr al-awra, le fait de dissimuler ses parties intimes, c'est une condition. C'est une condition car c'est un ordre. Cet ordre-là, il implique l'interdiction de son opposé, qui est ne dévoilez pas vos parties intimes. Donc si jamais tu les dévoiles, ça implique l'annulation de l'adoration, car comme dans les règles du usul, ils disent « Al-Nahi yaqtadil fasad ». le fait que tu violes une interdiction, ça annulera ton acte d'adoration, ça va annuler ton acte d'adoration. Afin que yani, on puisse bien comprendre, il nous reste à élucider yani, quelles sont les parties intimes. Quelles sont les parties intimes qu'il faut qu'elles soient, dont il incombe à chaque muslim et à chaque musulman de ne pas dévoiler dans la prière. Car on a vu maintenant que c'est une condition. Quant aux parties des hommes, yani, les parties intimes des hommes, yani, ce sont le devant et le derrière. Sans entrer dans les détails, Inch'Allah, tout le monde a compris. Les cuisses et kadhalika les épaules. Et tout ce qui en découle, les épaules, sans les bras. Tout ce qui découle des épaules, c'est-à-dire des épaules, le pectoraux, au ventre, jusqu'à le nombril. Tout cela, yani, fait partie des parties intimes dans la prière. Des parties intimes de la prière. Donc je répète, le derrière et le devant, les cuisses, les épaules, et tout ce qui en découle, de l'épaule jusqu'au nombril. Quant au devant et derrière, yani, les preuves, parce que nous, on est Ahl al-Sunnah wa al-Jama'a, on parle qu'avec des preuves. Quant au devant et au derrière, yani, les savants sont tous unanimes. Qu'elles font partie des parties intimes. Et les jumères, c'est un dalil parmi les adillas de ce din. Écoutez bien, Inch'Allah, je ne suis pas en train de parler des parties intimes hors de la prière. Yani là, je suis en train de parler des parties intimes qui sont les parties intimes de la prière. C'est les parties intimes de la prière, c'est une autre chose. Ça n'a rien à voir avec les parties intimes hors de la prière. Donc là, on parle ni par rapport à la prière. Parce que nous, notre sujet, le thème, c'est la description de la prière du Prophète. Donc les hommes, la partie intime des hommes, la partie intime des hommes, dans la prière, c'est trois choses. Le devant, le derrière, la cuisse, al-fakhid, et les épaules. Et tout ce qui en découle de l'épaule, c'est-à-dire de l'épaule jusqu'au nombril. De l'épaule jusqu'au nombril. Le torse, on peut dire ça comme ça. Le torse. Ok ? Adahua. Inch'Allah, maintenant, on va procéder au adillah qui prouve ce que je viens de dire. Donc le premier des dalils, c'est l'ijma', qui prouve que le derrière et le devant, les savants sont tous unanimes, et le fait qu'ils soient tous unanimes, c'est une preuve, parmi les preuves de l'islam. Ils sont tous unanimes que celui qui dévoile le devant ou le derrière, sa prière, elle est annulée. Sa prière, elle est annulée. Quant aux cuisses, les savants sont tous aussi unanimes. Ils sont unanimes quant au fait que celui qui dévoile une partie, la partie de ses cuisses, pendant la prière, ça annule, sa prière, ça annule la prière. Le fait de dévoiler sa cuisse pendant la prière, ça l'annule. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit: In kana thawb wasi'an faltahif bihi. Min hadith Jabir ibn Abdillah radiallahu ta'ala anhum. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, nous dit: Si ton vêtement est large, enveloppe-toi avec ce vêtement. C'est-à-dire, tu t'enveloppes la partie du corps entièrement, tu vois. Les épaules jusqu'aux chevilles. Tu prends le vêtement et tu t'enroules avec. Mais si jamais ce vêtement il est court, il n'a pas la capacité d'envelopper la partie de ton corps entière, donc prends ce vêtement comme izar. Prends ce vêtement comme izar, c'est-à-dire que celui qui n'a pas la capacité d'avoir un vêtement qui couvre l'ensemble de son corps, il prendra ce vêtement-là ou ce bout de tissu pour en faire un izar. Ça, c'est une exception que le Prophète sallam a fait, car, yani, comme vous pouvez le savoir, à l'époque du Prophète sallam, c'est pas tout le monde qui avait la capacité d'avoir plusieurs vêtements ou des vêtements qui couvrent la partie entière de leur corps. Donc ça, c'est une exception qu'a fait le Prophète sallam et qui nous montre que ce dîn, c'est un rahma, que ceux qui n'avaient pas la capacité d'avoir un vêtement qui enveloppe tout le corps, ils prenaient ce vêtement-là, ils faisaient un izar, c'est-à-dire qu'ils le mettaient de la taille jusqu'au genou, et même si jamais ils prenaient le torse nu, cela, yani, c'était une exception qu'a fait le Prophète sallam, yani, pour ces personnes-là. Mais ça, on prend de ce hadith-là que celui qui a la capacité de pouvoir le couvrir ton corps, ta prière, elle est annulée. La prière, elle est annulée. Celui qui prie le torse nu, alors qu'il a la capacité de pouvoir couvrir son torse, sa prière, elle est nulle, elle est annulée. Sa prière, elle est annulée. Car comme on a dit, le fait que le Prophète sallam ordonne une chose, parce qu'il a dit « fal tahif bihi », ça c'est un ordre. Le fait qu'il ordonne une chose, ça implique l'interdiction de son opposé, qui est quoi ? Yani, ne dévoile pas ton torse. Et le fait que tu dévoiles ton torse, comme ils ont dit, ça implique que si jamais tu le fais, ton adoration, elle est annulée, comme on a pu expliquer avec la règle précédente. Ça, c'est par rapport au torse. Ça, c'est par rapport au torse. Et quant à la cuisse, la preuve qui nous prouve qu'il est incombe que la cuisse soit couverte dans la prière, Na'am qaluhu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa izaratu al-mu'min ila nisf al-saq, wa la junaha alayhi fima baynahu wa bayn al-ka'bayn. Wa la junaha alayhi fima baynahu wa bayn al-ka'bayn. Il dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le izar, du croyant s'arrête à la moitié de la jambe. Et il n'y a pas de mal qui porte ce izar jusqu'à la cheville. Jusqu'à la cheville, il ne dépasse pas la cheville. Ce hadith a été apporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh Mughbil al-Albani, rahmatullahi alayhima. Donc ceci nous prouve que si le izar il est levé au-dessus de nisf al-saq, au niveau de la moitié de la jambe, parce que le prophète dit, donc le fait que tu le fais, ça implique une interdiction. Ça implique une interdiction. Le prophète dit, le izar, il s'arrête à la moitié de la jambe jusqu'à la cheville. Et il n'y a pas de mal que tu le fasses descendre jusqu'à la cheville. Mais il y a un mal si jamais tu le fais monter au-dessus du genou. Si tu le fais monter au-dessus du genou, il y a un mal, comme l'a évoqué le prophète. Donc c'est une cause qui, ou une condition que si jamais tu ne l'appliques pas dans ta prière, ou que tu le dévoiles au cours de ta prière volontairement, ta prière sera annulée, ta prière sera annulée. Donc ça c'est les parties intimes qui étaient relatives aux hommes, qui étaient relatives aux hommes. Quant aux parties intimes des femmes dans la prière, où il n'est permis aux femmes dans leur prière de découvrir leur visage, il est permis aux femmes de découvrir leur visage, leurs mains et leurs pieds. Ça c'est les choses qui leur est permis de pouvoir découvrir dans la prière, de pouvoir dévoiler dans la prière leur visage, leurs mains et leurs pieds. Tamam. Quant à Annie à la tête, c'est une obligation. C'est une obligation. Il est obligatoire à la femme qu'elle couvre sa tête. Car la tête est une partie intime qui annule, si jamais elle est dévoilée, la prière des femmes. Qui annule la prière des femmes. Et ça, c'est par unanimité des savants. Par unanimité des savants, ils sont tous unanimes. Il n'y a pas de divergence entre eux. Que la femme, et on entend par là, par la femme, c'est les indépendantes. C'est celles qui ne sont pas servantes. Annie, les statuellement, elle ama. La femme, si jamais elle est l'indépendante, qui n'est pas une ama, qui n'est pas une servitrice, si jamais elle découvre sa tête pendant la prière, volontairement, sa prière sera annulée, et cela, il n'y a pas de différence auprès des savants de l'islam. Comme on a dit, Yannis, cette obligation-là, elle incombe les indépendantes. J'entends par là, Yannis, al-Hara'ir. Yannis, les indépendantes, c'est celles qui ne sont pas, Yannis, c'est pas les esclaves. Car la prière, Yannis, la tête dévoilée des esclaves, n'annule pas la prière. Celles qui sont esclaves, s'ils prient la tête découvert, cela n'annule pas la prière. Ils ont pris pour preuve l'acte de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, durant son calife fi khilafatih, au cours duquel il interdisait aux esclaves, yani parmi les femmes, de se couvrir la tête. Et plus loin encore, yani, il lui arrivait de battre les femmes qui couvraient leur tête en leur disant, différenciez-vous des femmes indépendantes. Différenciez-vous des femmes indépendantes. Yani, il avait une dureté avec celles qui voulait ressembler aux indépendantes. Il leur disait, différenciez-vous des femmes indépendantes, découvrez-vous la tête. Et Hatta, c'est une coutume qui a été approuvée dans l'ère du professeur Sallam, car certains des Sahaba, il disait, yani, l'esclave était tête nue, et les indépendantes, la tête couverte. Donc là, c'est une chose qui était connue dans l'ère du professeur Sallam, et Kadalika, fi khilaf ati Umar, il n'y a pas eu de khilaf, yani, parmi les Sahaba, personne n'a réprimandé le fait que Umar yani, a fait ça. Quant aux pieds de la femme, Cheikh Yahya Hafdahullah Ta'ala nous dit dans Kanz al-Thamin, il n'est pas une partie intime. Quelle est la preuve? C'est qu'il n'y a pas de preuve. C'est-à-dire que nous, pour qu'on puisse dire que c'est une condition, une chose qui annule la prière des femmes, il faut qu'on ait des preuves. Et malheureusement, il n'y a pas de preuve. Donc ça veut dire qu'on reste sur le asl, que le fait qu'elles découvrent leurs pieds, ça annule pas la prière, mais il dit c'est préférable que les femmes se couvrent les pieds lorsqu'elles prient, elle est chez elles, car certains des sahabiyats, elles le faisaient. Donc c'est mieux qu'elles s'identifient aux femmes des salafs, tout en le faisant. Mais Amma al-Dalil qui prouve que cela, c'est une que ça annule la prière, il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de dalil sur ça. Il y a un hadith qui est venu, il est daif, et l'autre, tu ne comprends pas, que c'est dans la prière. C'est hors de la prière que Umm Salama, elle disait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la yanzurullah, ila rajulin, jarwa thiyabuhu khuyala, faqala fakayfa tasna' bidhuyulihin. Qu'est-ce qu'il en est de nos hijabs qui dépassent un peu? Le prophète a dit, yani, elle a fait dépasser d'un chibre, si elle veut, yani, dhira, et elle ne dépasse pas ça. Elle ne dépasse pas ça. Les savants ont dit ça, c'est une chose qui est, c'est pas dans la prière, c'est une chose qui est hors de la prière. Mais dans la prière, on n'a aucune preuve qui nous prouve que le fait de prier, que la femme a prié pieds nus, ça annule la prière. Donc la septième condition, c'est taharatu al-abdan wal-amakin. Taharatul Abdan, ou l'amakin, la pureté des vêtements et des lieux. La pureté des vêtements et des lieux. Quant à la pureté des vêtements, elle est conditionnée par le kitab et la sunna. قال الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. Parmi l'un des tafsirs de ce verset est purifie tes vêtements. Et purifie tes vêtements. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب الذي يصيبه الحيض تقرضه ثم تنضحه ثم أو تحطه ثم تقرضه ثم تنضحه ثم تصلي فيه ثم تصلي فيه. متفق عليه. Le prophète صلى الله عليه وسلم ordonné de faire disparaître les traces des menstrues qui s'étaient imprégnées dans les vêtements d'une des femmes en disant Yanni, gratte-le, frotte-le et ensuite lave-le, puis après cela tu peux prier dans ce vêtement-là. Donc ça nous montre, muttafaqun alayhi hadith, donc cela nous montre que le fait de nettoyer ses vêtements ou de les purifier des impuretés, c'est une condition qui est requise pour que la prière soit validée. Pour que la prière soit validée, bil kitab wa sunnah. وكما قلنا الأمر يعني بشيء يستلزم النهي عن الدب والنهي يستلزم الفساد. Quant à la pureté des lieux, elle est tout aussi يعني une condition à la validité de la prière. La preuve en est par la parole d'Allah عز وجل. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Purifie ma maison pour ceux qui font le tawaf, pour ceux qui se tiennent debout, qui s'inclinent et se prosternent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna hadhi al-masajid la yasluh fiha shay'un min al-bol wa la al-qadar wa inna ma hiya tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. La mosquée ou les mosquées n'ont pas été édifiées pour uriner dedans, pour les souiller avec d'autres choses infectes. Les mosquées ont été édifiées pour les takbir, pour les tasbih et pour la lecture du Qur'an. Ce hadith a été rapporté par Muslim selon Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Donc ceci nous prouve que le fait que le makan soit tahir, c'est une chose qui est conditionnée pour que la salat yani, soit acceptée, car le prophète sallam l'a ordonné. Car le prophète sallam l'a ordonné et l'ordre implique l'interdiction de son opposé qui implique lui-même l'annulation de l'acte auquel l'interdiction a été violée. Baqiya inshallah min bab yani takmilatul fa'ida, des choses qui annulent, qui font, c'est pas des conditions, mais des choses qui annulent la prière. Si jamais cette personne le fait, ça va annuler directement sa prière. Yani minha, yani as-salat fil maqabir, le fait de prier dans les cimetières plutôt, ou vers les cimetières. Et cela, yani, ça rentre pas dedans l'al-janaïs, comme on va le voir, inshallah. La preuve en est par Abi al-Hadith Abi Martad al-Ghanawi, radiallahu ta'anhu, annahu qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tusallu ila al-kubur, wa la tajlisu alayha. Rawahu Muslim, le Prophète sallam nous interdit de prier vers les tombes et de s'asseoir sur ces tombes. Donc, Yanni, comme on a dit, le fait que le Prophète nous interdit une chose, ça implique que son acte d'adoration il sera annulé car al-nahi istalzim al-fasad, c'est-à-dire l'annulation. Wa kadhalika, Yanni, la chose, Yanni, on tire d'exception sur ces choses-là, Yanni, ça ne rentre pas dedans al-janaza, parce que le Prophète il a déjà prié, kama ja'a dhalika, Yanni, na'am barakallahu fikum, anna nabi sallam salla على قبرين بعد ما دفنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين بعد ما دفنا متفق عليه. Le prophète sallam il a prié sur une tombe d'une personne qui était morte après qu'elle a été enterrée. Donc cela nous montre que l'interdiction dans le hadith la tusallu ila al-qubur, ne priez pas vers les tombes, ça inclut pas la janaza, parce que le prophète sallam l'a fait, et le fait qu'il le fait, ça restreint cette interdiction. Ça veut dire que cette interdiction, elle englobe toute chose sauf la janaza. La janaza, il est permis aux personnes de prier à côté de la tombe ou bien en direction de la tombe et vers la qibla, en mettant la tombe entre lui et la qibla, et il prie sur lui la janaza. Kadalika, parmi les choses, où les prières, les lieux qui annulent si la personne a prié dedans, al-hammam. Lorsqu'on entend al-hammam, je ne vise pas là les toilettes, mais al-hammam, il y en a les hammams, comme ils disent en français. Cela, kadalika, celui qui prie dans ces lieux-là, sa prière sera annulée. Et comme l'a dit dans le hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-ard kulluha masjidun illa al-maqbara wal-hammam Le hadith a été rapporté par Tirmidhi, authentifié par Cheikhuna Muhammad ibn Hizam hafidhahullah ta'ala. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la terre tout entière est un masjid, c'est-à-dire un lieu où tu peux prier excepté les tombes et les hammam, et les hammam. Les hammam, celui qui prie dans le hammam, dans le hammam, yani sa prière allait annuler. Wa kadhalika, salat fi al-amakin al-muttakhid al-bol wa al-ghayt, yani les WC. Les WC, le fait de prier dans les toilettes ou c'est les lieux qui sont pris pour faire les besoins. Kadalika, c'est une chose qui annule la prière. C'est une chose qui annule la prière. Car ce makan-là, il est najis. Ce makan-là, il est najis. T'es pas assuré, si jamais tu pries dans ce makan-là, que tu fasses une prosternation ou que tu touches, il y en a quelque chose qui est une impureté. Et comme on a dit, le fait que tes vêtements soient impurs, c'est une chose qui annule ta prière. C'est une chose qui annule la prière. Donc, que dire, il y en a le fait de prier dans les endroits où il y a des impuretés, comme les WC. Comme les WC. Et le dernier point, Inch'Allah, pour conclure ce dars, c'est le fait de prier dans les enclos qui sont réservés aux chameaux. Mabarik al-Ibl. Mabarik al-Ibl. Les endroits qui sont réservés aux chameaux. Ceci, Kadalika, fait partie des choses qui annulent la prière de celui qui prie dans ces endroits-là. Celui qui prie dans ces endroits-là verra sa prière annulée, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « La tusalli fi mabarik al-Ibl ». Ce hadith a été rapporté par Jabir ibn Samura, inda muslim, inda l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Donc ces coins ou ces endroits, ces lieux qu'on a cités, sont des lieux qui annulent la prière de celui qui priera dedans. Pour récapituler, al-maqbara, c'est-à-dire le cimetière, le fait de prier dans le cimetière ou vers les cimetières, le fait de prier dans le hammam, le fait de prier dans les lieux qui sont pris comme toilettes, et le fait de prier dans les endroits ou l'endroit et année qui est réservé, les enclos qui sont réservés aux chameaux. Fait, Inch'Allah, naktafi bihad al-qadr. Inch'Allah, hadha su'al, le jilbab de la femme traîne au sol. Quel est son jugement? Le fait que des impuretés se collent à la robe et que l'on prie avec urine, salive, etc. Ah, mais la salive m'a affiché. Ah, mais l'urine, c'est une autre chose. Parce que, comme on peut voir, la France, c'est pas les lieux où le prophète sallam y vivait. Il y a plein de crottins de chiens et tout ça. C'est clair que si jamais la robe passe dessus, bah, il faut que la robe soit lavée. C'est clair et net. Mais c'est une sunna, tu vois. C'est une sunna. Si jamais la personne peut prendre cet habit-là, puis après elle change dès qu'elle prie, tu vois. Inch'Allah, la question sera posée. Hein. Mais c'est clair que si jamais tu es assuré que ta robe elle a touché, ou bien ton jilbab elle a touché une chose qui est impure, bah, comme on a dit, là, peut-être que tu les laves. Donc si jamais vraiment il y a pas possibilité de pouvoir esquiver ces impuretés, bah, qu'elle mette de façon à ce que ça touche pas le sol. De façon à ce que ça touche pas le sol, ça c'est une sonne là. Le fait de faire dépasser un peu. Quel jugement que les enfants urinent dans les lavabos? Le fait qu'ils urinent dans le lavabo. Les WC sont occupés. Ah, ok. Ah, vas-y. Après tu nettoies, c'est tout. Bah, le fait que tu nettoies avec de l'eau, Inch'Allah, ça fait partir ma affichée. Celui, là, il y a une question qui est posée. La salade de celui qui a oublié qu'il n'était pas en état de pureté, est-elle récompensée pour sa... est-il récompensé pour sa salade? À la kullahal, est-ce que tu veux dire par là, Abu Ali, que celui, mathalan, qui prie, il a oublié qu'il a la tahara. Ensuite, il se rappelle qu'il a la tahara. Est-ce que sa salade est récompensée? C'est ça que tu veux me dire? Il y a Abu Ali. Il ne se souvient pas, elle. Elle a mis ce film, il dit, man nas ya salatan unama anha, fa waqtuha hina yadkuruha. Cheikh Mohamed Bhizam, il dit, la condition... Parce qu'on a vu que le wudu, c'est une condition parmi les conditions de la prière. Le fait que tu oublies la condition, c'est comme si jamais tu avais oublié la salat. Il veut dire par là que le fait que tu pries en état d'impureté et tu ne savais pas, lorsque tu te rappelles, ce hadith-là est incombe. C'est-à-dire, فَوَقْتُهُ حَيْنَ يَذْكُرُهَا. Si jamais le moment où tu te rappelles qu'en fait tu as prié sans wudu, et bien là tu refais la salat. Parce qu'il nous dit la condition, c'est une chose à laquelle il y a تَوَقَّفْ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَمَلِ. T'as compris ou pas? Tu comprends un peu l'arabe? Parce qu'en français, c'est un petit peu dur à expliquer. Il dit, Ashart, c'est quoi? La condition, c'est la chose sur laquelle va s'arrêter la validité de la chose. Et il nous dit, la chose par laquelle se valide l'adoration, c'est comme si elle faisait partie de l'adoration. Donc c'est comme si jamais il avait oublié de prier, c'est-à-dire qu'il prie dès qu'il se rappelle. Dès qu'il s'est rappelé qu'il avait oublié d'avoir fait l'odo, il refait l'odo. Et son heure, c'est au moment où il se rappelait. Pour la relative, comment accomplir les deux raka'a avant d'or le vendredi? Il n'y a pas de sunnat qabliya avant. Pour le Yom al-Jumu'a, elle n'a pas de relative qabliya. Amma ba'da, et par la Jumu'a, tu pries deux ou quatre. Mais avant, il n'y a pas. Parce que le Jumu'a, c'est pas dhahr, c'est une chose, il y en a qui est différente. Mais pour les frères, je suppose, le temps de s'en rendre. Le fait de rater une salade à l'heure Faut-il la rattraper ou faire de rak'a de tour seulement? Là, c'est mort, khalas. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna salata kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta. L'imam Shinqiti rahimahullah ta'ala nous dit dans Al-Muzakkira, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis des horaires pour la salat, ça veut dire qu'il y a une hikma dans cela, il y a une sagesse. Donc le fait de sortir ses prières des horaires, bah, comme on a dit, c'est une condition. Et cette condition-là, elle annule l'acte et tu ne peux pas rattraper. Le truc, c'est quoi? C'est que la personne a fait beaucoup de nawafil, comme il l'a conseillé, Cheikh Yahya, hafadahullah ta'ala, a fait beaucoup de nawafil pour se rattraper. Car il est venu un hadith, Abu Harayra, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit Inna awwala ma yuhasab bihi al-'abd yawm al-qiyamah min 'amalihi salah. Fa'in salaha faqad aflaha wa najah, wa in fasadat faqad khasira wa khabir. قال ثم ينظر الله سبحانه وتعالى إذا هل يعني للعبد يعني من النوافل فيأخذ النوافل حتى يعني إيش يعني يتم ما نقص منه. En gros, yani, dans ce hadith là, il nous dit que la première des choses auxquelles le serviteur sera amené à rendre compte yawm al-qiyama, c'est la prière. Et si jamais il a bien fait, yani, il a rassuré ici, et si jamais il a mal fait, et ben, c'est l'échec et la déception. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va regarder si jamais cette personne-là elle avait des prières surrogatoires. Si elle avait des prières surrogatoires, elles seront prises pour compléter le manque qu'il y avait dans les prières obligatoires. Donc, yani, elle a fait beaucoup de nawafil. Wala Allah subhanahu wa ta'ala, yani, yaj'al al-nawafil maqam al-manqus min al-wajibat. Si dans la rue, un chien frôle le vêtement du musulman, cela est-il une impureté? C'est un khilaf. Il est qawi jiddan. Est-ce que la salive du chien ou le chien? La salive du chien, en tout cas, c'est une impureté, ça, la chaque kafi. Est-ce que le chien, c'est une impureté? Ça, c'est un khilaf, il a qawi. Ça demande une jalsa et d'expliquer les avis. Afin que la personne ait une conviction de l'avis qu'elle voit que c'est le plus proche et après elle le prend. Mais là, le temps, il n'est pas vraiment imparti. Donc, je suis désolé. Au pire des cas, Inch'Allah, on va essayer de la répondre à la réponse, Inch'Allah, pour le cours à venir. La femme doit-elle couvrir obligatoirement le menton pour la salat? Ada wallah alam. Ce qui m'a posé, la femme doit-elle couvrir obligatoirement le menton pendant la salat? Ada wallah alam. Inch'Allah, ça fait partie des questions auxquelles je n'hésiterai pas à ce que Ahlul Ilm y répondent. Alors, là, il y a plusieurs questions dans la question. Inch'Allah, c'est la dernière question. Après, Inch'Allah, on va arrêter. T'as-t'en? Au pire des cas, les questions auxquelles on peut pas répondre, Inch'Allah, mettez-les dans le site. Donc la question qui a été posée, Allah, un enfant de moins de 7 ans peut faire la prière en commun. Il peut faire la prière en commun à partir du moment qu'il est mumayyiz. Mumayyiz, à partir du moment, comme on a dit, tamiz, le fait qu'il a connaissance ou conscience de ce qu'il fait et qu'il prie correctement, non, il peut faire la prière en commun. Et un enfant de plus de 7 ans, ses prières comptent-elles? En gros, s'il fait, il sera récompensé. Mais s'il délaisse, il ne sera pas châtié. Parce qu'à partir de quel moment cette personne-là sera châtiée? À partir du moment qu'il sera baalir. À partir du moment qu'il sera baalir, cette personne-là, elle lui incombe de faire la prière. Et le fait qu'il l'ait fait, yani, ça sera compté. Ça sera compté. Si jamais il a tamis, si jamais il a appris la diyafra, si jamais il raisonne ce qu'il fait, il comprend ce qu'il fait, il sera récompensé. Non. L'enfant neveu, par exemple, de parents koufars, l'enfant neveu de parents koufars qui veulent prier avec nous, c'est ce que c'est permis. Hada, wallahu alam, nas'al, inshallah, ahl al-ilm. Mais je pense que l'enfant des koufars fait partie des koufars. C'est-à-dire que sa prière, wallahu alam, même si jamais il est petit, elle n'est pas. C'est mieux d'éviter ces choses-là, mais Inch'Allah, on va poser la question. T'as-t'en? L'homme qui porte un kamis non transparaît au travers les épaules, la salat est-elle valide? Inch'Allah, kadhalik hadha souwal, c'est yani yujawab. La prière de l'homme qui prie avec un pantalon ciré, la prière est-elle valide? Celui qui prie avec un pantalon ciré, wallahi. Inch'Allah, khalas les questions. Waqaf. La prière, celui qui prie en pantalon, comme ils ont dit le ulama, ça c'est les gens, yani, vraiment qui. C'est les actes des gens qui. Des munafiqs. Les personnes, la plupart des gens qui font ça, ils font pas la prière. Ils font pas correctement la prière. Après, est-ce que yani, ça invalide la prière? Je crois que c'est le Hafid ibn Hajar, il voit que hatta celui qui prie avec un sarawi, il voit que sa prière n'est pas acceptée. Lakin ibn Qadama, il dit yani, tant que la awra, elle est pas. On la voit pas, tu vois, à travers, si jamais le pantalon n'est pas transparent, quoi. Il dit yani, que ça n'annule pas la prière. Mais c'est vraiment c'est vraiment détestable. Il n'y a pas une preuve qui nous permet de pouvoir dire que celui qui prie en pantalon, sa prière est invalide. Mais celui qui prie avec une chose transparente, qui montre la awra, sa prière est invalide. Prier dans un enclos de moutons, où se trouvent les excréments? Non, les moutons, déjà, les excréments des moutons, et les moutons, c'est pas un indice. Et t'as le droit, il n'y a pas de. Nabi Sallam il a dit Al-Ard kulluha masjid illa al-makbara wal-hammam. Donc les enclos pour les moutons, c'est pas. T'as le droit de prier dedans. Hatta Nabi Sallam kana yusalli qabla an yubna al-madi qabla an yubna lahu al-masajid kana yusalli Nabi Sallam fi marabid al-ghanam. Dans les enclos des bovins. Le fait de prier dans une robe serrée, Inch'Allah, dans elle. Kadhalika, Wallah alam, si jamais c'est pas le même hukm que celui qui prie dans un pantalon serré. Parce que si jamais ils disent que la robe serrée, ça implique l'annulation de la prière, ça implique Kadhalika, celui qui prie en pantalon serré. Inch'Allah, on va poser la question, Inch'Allah. Donc, afwan, si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Wa barakallahu fikum al-hudur, Allah subhanahu wa ta'ala, an yahfadana wa iyakum. ويوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وإلى اللقاء إن شاء الله القابل سبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك